Exercice 12, page 73. À l'intérieur se trouve une quinzaine de paires de chaussures de sport. Elles sont presque neuves et de toutes les couleurs. Oscar les trouve vraiment très moches.